طيب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui c'est le cours numéro 24 dans l'explication du livre Kitab al-Tawhid, wa alaykum salam wa rahmatullah, avec l'explication du Cheikh Saleh al-Fawzan, hafizahullah. Et donc aujourd'hui on commence le chapitre 5, al-bab al-khamis, bab al-du'a ila shahadati an la ilaha illallah. Le chapitre 5 parle de quoi? Ça parle de d'appeler au témoignage de la ilaha illallah. Ok? Donc qu'est-ce qu'il dit le Cheikh? Il dit قال المؤلف رحمه الله باب الدعاء إلى لا إلى شهادة لا إله إلا الله مناسب هذا الباب مناسبة هذا الباب لما قبله من الأبواب ظاهرة جدا فإنه في الأبواب السابقة ذكر في الباب الأول معرفة التوحيد وفي الباب الثاني ذكر فضل التوحيد وفي الباب الثالث ذكر فضل من حقق التوحيد وفي الباب الرابع ذكر ما يضاد التوحيد وهو الشرك فإذا كان طالب العلم ألم بهذه الأبواب وعرفها معرفة جيدة عرف التوحيد وفضله وتحقيقه وعرف ما يضاده من الشرك الأكبر وما ينقصه من الشرك الأصغر والبدع وسائر المعاصي فإنه حينئذ تأهل للدعوة إلى الله عز وجل لأنه لا يجوز للإنسان إذا علم شيئا من هذا العلم أن يختزنه في صدره ويغلق عليه ويختصه لنفسه هذا العلم مشترك بين الأمة فمن عرف شيئا منه فإنه يجب عليه أن ينشره وأن يدعو الناس إليه فإن هذه الأمة أمة دعوة كما قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون فلا يجوز للمسلم الذي عرف شيئا من العلم أن يسكت عليه وهو يرى الناس في حاجة إليه خصوصا علم التوحيد وعلم العقيدة لأنه إذا فعل ذلك فقد ترك واجبا عظيما ولا يقول الإنسان أنا ما علي إلا نفسي كما يقوله بعض الجهلة أو الكسالى أنا ما علي من الناس بل عليك نفسك أولا ثم عليك أن تدعو الناس إلى دين الله عز وجل فإن اقتصرت على نفسك تركت واجبا عظيما تحاسب عنه يوم القيامة وتعرض نفسه أو تعرض نفسك لغضب الله عز وجل حيث تركت ما أوجبه الله عليك من الدعوة إلى الله عز وجل وهذا وجه المناسبة في وهي ظاهرة. Donc le cheikh Saleh al-Fawzan il commence et il dit que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il a mis dans, comme titre pour ce chapitre d'appeler l'appel au shahada de la ilaha illallah, c'est-à-dire d'inviter les gens à témoigner de la ilaha illallah, ok. Et pourquoi le cheikh a mis ce chapitre-là à cet endroit-là dans le livre? Eh bien, il dit que c'est très clair, en fait, c'est évident pourquoi il l'a mis à cet endroit-là. C'est parce que dans les chapitres c'est-à-dire les chapitres qui ont précédé, le premier chapitre, on a parlé de connaître le tawhid. Qu'est-ce que c'est le tawhid? La définition. Le deuxième chapitre, on a parlé du mérite du tawhid. Le troisième chapitre, on a parlé du mérite de celui qui a accompli et complété la signification du tawhid en lui-même. D'accord, qui a parfait son tawhid. Et le chapitre numéro 4, on a expliqué, celui qu'on a fait les deux derniers cours, on a expliqué qu'est-ce qui s'oppose au tawhid, c'est-à-dire al-shirk billah. Qu'est-ce que ça signifie al-shirk et c'est quoi la définition du shirk. Donc on a défini toutes ces choses-là. Une fois qu'on a compris tout ça, hein, le cheikh il dit, lorsque le talib ilm, la personne qui cherche la science, une fois qu'elle a bien absorbé et compris la signification de tous ces chapitres, eh ben, et qu'elle les a compris et qu'elle les a connus comme il faut, hein, ça veut dire qu'elle a compris le tawhid et le mérite du tawhid et qu'elle l'a bien accompli et complété, hein, et qu'elle a compris également tout ce qui s'oppose au tawhid, comme par exemple les formes de shirk majeures et les formes de shirk mineur, en particulier, là le cheikh il explique, il dit ce qui s'oppose au tawhid comme le shirk majeur, ou ce qui diminue le shirk, parce qu'il y a des choses comme on a expliqué qui détruisent complètement le tawhid, c'est-à-dire al-shirk al-akbar, c'est pas, il y a un problème avec le micro, hein, al-shirk al-akbar, ça détruit le tawhid complètement. Toutefois, il y a le al-shirk al-akbar qui détruit pas complètement le tawhid, mais qui le diminue. Est-ce que j'ai dit comme il faut? C'est ça. Le shirk al-asrar, il détruit pas complètement le tawhid, mais il le diminue dans sa perfection. Et il y a également, parmi les choses qui diminuent la qualité ou la force de notre tawhid, il y a également les bid'ah, les formes de bid'ah, les innovations qu'on fait. Les choses que les gens ont inventées dans la religion d'Allah, qui ne font pas partie de ce que Allah subhanahu wa ta'ala, ni ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ont ordonné ou fait ou encouragé. Hein? Donc ça c'est des choses qui sont inventées dans la religion. Celui qui les fait, il diminue son tawhid parce qu'il diminue de la perfection de son tawhid. Il y a également tous les autres péchés, al-kaba'ir, hein? Comme al-zina, al-khamr, al-khinzir, al-ghairizalik, toutes les autres formes de péchés majeurs. Et également les petits péchés, les péchés qui sont mineurs, mais également qui peuvent venir nuire à la qualité de ta religion. Donc tout ça, c'est des choses que, une fois que tu les as compris et que tu les as connues, là, ça veut dire que tu es apte et tu es prêt à faire da'wah. Tu es prêt à commencer à appeler les gens à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que le cheikh il dit qu'il n'est pas permis pour une personne qui a connu cette forme de ilm, qui a connu cette science, de la garder comme un trésor en lui-même et puis de ne pas la transmettre aux autres. Hein. Il la garde juste pour lui. Il dit ça c'est la connaissance que j'ai acquise de l'islam et puis je la garde juste pour moi. Ça c'est pas permis. Hein. Ça c'est un peu comme l'exemple des juifs. Ils ont appris des choses de la religion d'Allah, du tawhid et des autres aspects de la foi, mais ils vont jamais aller appeler les autres peuples ou les autres personnes à l'accepter et à le suivre. Et d'un certain point de vue, c'est normal parce qu'ils ont suivi, par exemple, ils prétendent qu'ils suivent Moussa alayhi salam, et Moussa est un prophète qui est venu uniquement pour les juifs et non pas pour tous les peuples sur la terre. Mais étant donné qu'ils n'ont pas accepté le prophète Isa et qu'ils n'ont pas accepté le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui est venu pour toute l'humanité, rahmatan lil alamin, ils sont restés dans cet aspect de religion qui est juste, disons, nationaliste, hein, qui se limite juste à eux, et ils n'ont pas été vers les autres pour leur montrer le droit chemin. Tandis que nous les musulmans, c'est pas une religion qui est reliée avec une origine ethnique, hein, ou à une tradition. Notre religion, elle est une religion universelle, c'est une religion qui dépasse toutes les frontières, qui dépasse toutes les langues, qui dépasse toutes les cultures et les ethnies. C'est une religion pour toutes les, pour tous les hommes sur la terre, pour toutes les femmes. Donc il n'y a pas une différence entre les gens, peu importe leur origine, leur tradition, leur ethnie, leur couleur ou toute autre chose qui peut diviser l'humanité. Une fois qu'ils ont accepté les fondements des croyances de l'islam, ça veut dire qu'ils deviennent des musulmans à part entière comme tous les autres, d'accord? Donc le musulman, il ne fait pas garder, il ne garde pas cette connaissance qu'il a acquise pour lui seul et dit « moi je la garde juste pour moi et j'appelle pas les autres à la vérité ». Il ne laisse pas des hommes en train d'adorer des statues ou des images ou des idoles ou des tombes ou des saints ou autres en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, il les voit dans le shirk et dans l'égarement et puis il ne leur dit pas que ce qu'ils font c'est faux et qu'ils doivent venir au droit chemin. Hein, celui qui fait ça, qui voit les gens se noyer dans l'égarement et qui les laisse, hein, et qui sont, et qui, comme on dit, il n'a pas aucun intérêt pour leur bien-être et pour leur, le fait qu'ils soient dans l'égarement, eh ben, ces gens-là, ils n'ont pas réellement compris la réalité de l'islam et qu'est-ce que ça signifie d'être musulman. Le cheikh nous dit, il est nécessaire pour un musulman de comprendre que cette science, cette connaissance de l'islam, c'est un bien commun pour, entre toute la Ummah. C'est un bien qui est commun, c'est pas quelque chose qui est privé à certaines personnes qui doivent le garder juste pour eux, hein, comme il y en a dans certaines tendances, yani, dans certaines religions, ils disent c'est seulement certaines, une catégorie des gens de cette religion-là qui préserve cette science et ils empêchent toute autre personne qui ne sont pas dans leur cercle d'entrer pour acquérir cette connaissance-là qu'ils possèdent. C'est comme s'ils ont fait de la science quelque chose de secret, comme si c'était un secret, et c'est seulement certaines personnes qui ont le privilège de le connaître. Non, la connaissance de la religion, de l'islam, c'est pas de cette catégorie-là. Au contraire, c'est une connaissance, comme on dit, qui doit être commune, qui doit être partagée entre tous les musulmans, selon le niveau de la connaissance, de la capacité et de la compréhension des gens, bien entendu. Hein. Certaines personnes vont aller très loin dans l'étude et dans la compréhension, d'autres auront une compréhension, une connaissance plus limitée selon leur niveau de capacité à acquérir et à absorber la connaissance qu'ils ont acquis. Donc il n'y a pas de connaissances secrètes, il n'y a pas de connaissances qui sont privées comme certains groupes, comme par exemple certains soufis, hein, qui croient qu'il y a des connaissances secrètes qu'ils possèdent et ils ne les révèlent pas à personne, excepté si ils ont fait une soi-disant initiation ou qu'ils ont atteint un certain niveau ou degré, après on leur révèle soi-disant certains secrets. Ça n'a rien à voir avec la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est important à comprendre. Le cheikh il mentionne des preuves que cette umma, c'est une umma de da'wah, c'est une umma qui invite les autres, c'est une umma qui invite l'humanité à la suivre. Okay, et il mentionne les preuves dans certains versets, comme le verset 110 dans Sourate Ali Imran. Vous êtes la meilleure nation qui est sortie pour les hommes. Vous ordonnez, ou vous commandez le bien et vous interdisez le munkar, le mal, tout ce qui est contraire aux ordres d'Allah. Vous interdisez ça. Et vous croyez en Allah subhanahu wa ta'ala. Il mentionne aussi un autre verset, qui est le verset 104 dans Sourate Ali Imran aussi, qu'il y ait parmi vous un groupe de gens qui appellent au bien, qui ordonnent le bien et qui interdisent le mal, et ceux-là sont ceux qui auront le succès. Ok? Ça c'est un autre exemple de verset qui incite les musulmans à appeler les autres au bien. C'est pas juste de dire moi ça y est je suis musulman, alhamdulillah, hein, lakum dinukum waliyadin, comme certains musulmans imaginent qu'ils peuvent utiliser ce verset pour dire ah les autres personnes ont leur religion, moi j'ai la mienne, et puis je m'en fous de leur état, de leur situation. Même s'ils sont dans le balal, dans le shirk, dans le kufr billah, ça c'est pas mon problème, moi j'ai ma religion, ils ont leur religion. Non, c'est pas ça l'exemple que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré qu'il faut appeler les hommes, tous les êtres humains à la vérité de l'islam. Hein, et que c'est ça le devoir de la Ummah. Le Cheikh Ibn Salah a dit aux musulmans, il n'est pas permis aux musulmans, une fois qu'il a connu quelque chose de cette science, de se taire, alors qu'il voit que les gens ont besoin de cette science, en particulier la connaissance qui a rapport avec le tawhid et avec la connaissance de l'aqida, de la croyance. Et s'il fait ça, c'est-à-dire s'il n'appelle pas les autres, il a abandonné quelque chose qui est très très obligatoire, très grand et très obligatoire, très important comme obligation dans l'islam. Hein? Et donc c'est pas permis pour l'être humain de dire « Ah, moi je m'occupe juste de moi-même » ou bien « Moi je m'intéresse pas des gens ». Le cheikh il dit, il y a des gens qui disent ça parmi certains ignorants ou certains paresseux. Hein? Il y en a qui sont ignorants, ils disent ça par ignorance. Il y en a d'autres, ils ne sont pas ignorants, mais ils sont paresseux. C'est-à-dire, ils ont compris que, par exemple, d'appeler les gens à l'islam, d'appeler les gens à la vérité, eh ben, ça demande beaucoup de sacrifices, ça demande beaucoup d'efforts, ça va amener à la personne beaucoup de difficultés dans sa vie. Hein? Peut-être qu'il va avoir beaucoup d'épreuves, les gens vont peut-être même l'insulter et puis le traiter mal. Et lui, il n'est pas prêt à supporter toutes ces pressions, alors il dit, ah non, moi, je ne m'occupe pas des gens. Et le chef il dit, tu dois t'occuper, oui, c'est vrai, tu dois t'occuper de toi-même en premier, mais également, tu dois aussi appeler les autres à la religion d'Allah. Il y en a qui utilisent un verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, « Ayyuha alladhina amanu, alaykum anfusakum, la yadurrukum man dalla idha ihtadaytum. » C'est un verset qui dit, « Oh, vous les croyants, occupez-vous de vous-même. » Celui qui s'est égaré ne veut pas vous nuire si vous, vous êtes bien guidé. Et ils prennent ce verset-là et ils essaient de l'appliquer pour dire, ah moi, je m'en fous des gens et je n'ai pas d'intérêt avec les gens, je m'occupe uniquement de moi-même et c'est ça l'important. Et Abu Bakr as-Siddiq, radiallahu anhu, il a justement même réfuté à cette idée-là, il a réfuté cette idée-là, il a dit, vous lisez ce verset-là et vous ne comprenez pas ce qu'il signifie. C'est pas que tu vois que les gens sont dans l'égarement, puis tu dis, ah, alaykum anfusakum, occupez-vous de vous-même. Non. C'est celui qui a appelé les gens, qui a ordonné le bien, qui a interdit le mal, qui a fait l'effort, mais que les gens ne l'ont pas écouté. Alors là, il se dit, bon, moi j'ai fait mon devoir, et je m'occupe de moi-même à présent. Et celui qui s'égare, c'est lui-même qui va être puni au jugement dernier parce que moi j'ai fait mon devoir, j'ai transmis le message, j'ai ordonné le bien, j'ai interdit le mal, les gens ne m'ont pas écouté. Hein. Et il y a des gens aujourd'hui parmi les musulmans, Allah Musta'an, ils sont tellement pessimistes, toujours vraiment ils voient tout en noir et toujours ils voient tout sombre, et ils voient l'état de la Umma et ils voient ça comme si c'est tellement négatif. Alors il s'imagine qu'il n'y a plus d'espoir, on ne peut plus amener rien de bon, on ne peut plus changer la situation, on va toujours aller de pire en pire, et ça c'est la vision de certains parmi les musulmans, et ça c'est pas permis pour un musulman d'avoir cette vision pessimiste de la Umma et de l'islam. Ça c'est une forme en réalité de sou'van billah. C'est comme si tu as une mauvaise pensée à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme si tu t'imagines que Allah subhanahu wa ta'ala a abandonné sa Ummah, a abandonné les gens qui sont sur la vérité et qu'il les laisse dans l'égarement et dans l'oubli. Non, c'est pas vrai. C'est au contraire ton devoir et ton obligation, c'est quoi? C'est d'apprendre cette religion et d'appeler les autres à la suivre et de supporter les difficultés qui vont venir avec ça. Si tu fais rien, tu restes assis dans un café, à boire du café et à parler des gens, et à dire par exemple, oh la Umma ça va mal, oh la Umma ça va mal, oh on a des problèmes, le pays, c'est le pays, notre pays est pas bon, notre pays est pas bon. Est-ce que c'est ça qui va faire améliorer les choses? Est-ce que c'est ça qui va changer les choses pour le mieux? Alors, il faut bien comprendre que c'est pas la bonne méthode. Si tu fais rien, c'est normal qu'il y a rien qui va changer. D'accord? Donc tu dois commencer par toi-même, ta famille, les gens qui sont autour de toi, hein, petit à petit, et comme on dit, avec cet effort et cette sincérité, Inch'Allah, Allah va faire que les choses vont s'améliorer. Parce qu'Allah dit, « Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin, hatta yughayyiru ma bi anfusihim. » Allah subhanahu wa ta'ala dit, « Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'ils n'ont pas changé ce qui est en eux-mêmes. » D'accord? Mais ça c'est très important de rester toujours conscient de ça et toujours rester optimiste et non pas pessimiste. le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Man qala halaka al-nas, fa huwa ahlakuhum » Celui qui dit « Ah, les gens sont perdus, les gens sont finis », celui qui est le plus perdu d'entre eux. Hein? Des fois les gens parlent des autres, ils s'oublient qu'ils font partie des musulmans eux aussi. Ils font partie des causes ou des responsables de la cause actuelle de la Ummah. Ils veulent, mais par contre quand ils en parlent, quand ils parlent de la situation de la Ummah, ils en parlent comme si eux ils étaient en dehors de cette Ummah, et comme si eux ils n'étaient pas responsables ou parmi les choses qui font qu'il y a des problèmes dans la Ummah. Donc on est tous, disons, des acteurs, disons, dans cette Ummah, et on est tous responsables de qu'est-ce qui se passe dans cette Ummah, et c'est avec un peu d'effort et un peu de sincérité, inshallah, que la situation pourra s'améliorer. Donc le cheikh, il dit, pour terminer ce paragraphe, il dit donc qu'il faut que tu t'occupes de toi-même et que tu t'occupes d'appeler les autres également à cette religion, et que tu ne te limites pas uniquement à toi-même. Si tu fais ça, tu as oublié ou négligé une obligation très importante. Aussi, il y a une chose parfois, c'est les frères qui sont, il y a les salafis qui sont sur le kitab au sunnah, à la fin des salaf, hein, ils comprennent l'islam selon le Coran et la sunnah et la compréhension des salaf, les sahaba et ceux qui nous ont suivis dans le bien, et bien des fois ils font uniquement la da'wah entre eux et ils ne vont pas inviter d'autres musulmans à suivre cette compréhension-là. Donc s'ils voient qu'il y a certains musulmans qui sont par exemple dans l'ignorance de la sunnah, ou bien qu'ils n'appliquent pas la sunnah, ou bien qu'ils sont dans certaines formes de bid'ah par ignorance, eh bien ils les laissent, ils ne vont pas les inviter à suivre la bonne voie. Et ça c'est pas correct. La da'wah salafie, c'est pas juste pour les salafis, c'est pour tous les musulmans. De suivre l'exemple des sahabas, c'est obligatoire pour toute la Ummah, c'est pas seulement pour un petit groupe parmi les musulmans. Et donc c'est pour ça qu'il faut inviter tout le monde à l'accepter et à le suivre. Donc alhamdoulilah, ça c'est très important. Donc le cheikh ensuite, il dit, qu'est-ce qu'il dit? Si tu abandonnes ce problème, tu seras jugé au jugement dernier. Tu abandonnes l'appel à l'islam, tu seras jugé au jugement dernier, et tu te mets sous la menace de la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que tu as négligé ou abandonné ce que Allah t'a ordonné, d'appeler les gens à Allah. Et donc ça c'est le lien qu'il y a entre ce chapitre et qu'est-ce qui a précédé par la avant ça. Cheikh dit wa faqawluhu bab ad-du'a ila shahadati an la ilaha illallah hiya ad-da'wa wa anna al-muslim alladhi manna Allah alayhi bi ma'rifati at-tawhid wa ma'rifati ash-shirk la yas'ahu an yaskuta wa huwa yara an-nas yajhaluna at-tawhid wa yaqa'una fi ash-shirk al-akbar wal-asghar ويسكت على ذلك كما هو واقع كثير من طلبة العلم والعلماء الذين يرون الناس على العقائد الفاسدة والعقائد الباطلة وعبادة الأضرحة ويسكتون على ذلك ويقولون نحن لا نهتم إلا بأنفسنا فهذا بهذا ضيعوا واجبا عظيما ولو أن العلماء وطلبة العلم قاموا بما أوجب الله عليهم من هذا الأمر في جميع الأمصار لرأيت للمسلمين حالة غير هذه الحالة فالآن بلاد الإسلام تعج بالشرك الأكبر وتبنى فيها المشاهد والمزارات الشركية وينفق عليها الأموال ودول الكفر تساعد على ذلك والمسلمون ساكتون على هذا الوضع فهذا خطر عظيم أصاب الأمة وما أصيبت به من حروب ومجاعات وأمور تعرفونها إنما هي نتيجة لهذا الإهمال والعياذ بالله فما واجب فهذا واجب عظيم. Donc le cheikh dit que le chapitre donc d'appeler les gens à témoigner de la ilaha illallah, ça veut dire donc que le musulman qui a eu la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala de connaître ce tawhid et de connaître le shirk, il ne peut pas se taire lorsqu'il voit que les gens ignorent le tawhid et qu'ils tombent dans des formes de shirk majeurs et mineurs. Il ne peut pas accepter de se taire alors qu'il voit que les gens ignorent cette situation-là et que la plus, et le cheikh il dit, et c'est ça ce qu'on voit actuellement de beaucoup parmi les gens qui étudient la science islamique ou parmi certains ulama qui voient que les gens sont sur une fausse croyance, une mauvaise aqidah et ils font des formes d'adoration pour les tombes et des trucs de ce genre et ils laissent les gens faire ces choses-là et ils disent nous on va s'occuper uniquement de nous-mêmes et donc ça c'est quelque chose de très grave, c'est-à-dire qu'ils ont abandonné une obligation hein, qui était sur eux. Et donc, il y en a des gens qui vont dire « Ah non, nous on veut pas la fitna, on veut pas de fitna ». Donc, ils abandonnent le da'wah, ils font pas le da'wah. Hein? Donc ça c'est une erreur. Yani Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Minan nasi man yaqulu amanna billahi fa'idha udhiya fillah ja'ala fitnatan nasi ka'ala billah ». Donc c'est pour ça, il y a parmi les gens qui disent « on a cru ». Mais lorsqu'il a par exemple, des difficultés à cause du fait qu'il a, par exemple, fait quelque chose pour Allah, il met le châtiment d'Allah et cette difficulté-là à égalité. J'a'ala fitnata an-nas ka'adabillah. C'est comme s'il abandonne le da'wah, il abandonne le travail qu'il fait parce que il pense que ça c'est trop dur et c'est comme si en fait il a dénigré le châtiment d'Allah, comme s'il pense que le châtiment d'Allah qu'il va recevoir pour avoir abandonné la da'wah, et ben il est égal avec la difficulté que les gens lui ont donnée dans le fait qu'il a appelé à l'islam. Donc c'est en fait comme Allah subhanahu wa ta'ala dit plus loin, après c'est comme des caractéristiques des munafiqins. Des hypocrites, que lorsqu'ils ont des difficultés dans le da'wah, ils disent « Ah non, moi je veux pas de problème, je veux pas de fitna, je veux pas parler, je veux pas appeler les gens à l'islam. J'ai étudié l'islam, j'ai étudié l'ilm et tout ça, juste pour moi-même, c'est tout. Je veux pas appeler les gens à Allah. » Donc ça c'est une erreur. Et le cheikh il dit que si les savants, les ulama et les tulab l'ilm avaient fait l'obligation qu'ils ont à faire, ils avaient rempli leur devoir envers Allah subhanahu wa ta'ala, d'appeler les hommes à l'islam, dans tous les pays, tu aurais vu que la réalité de l'état des musulmans serait différente de ce qu'elle est actuellement. Par exemple, juste pour vous donner un exemple de ça, il y a l'université d'Al-Madin Al-Munawwara, qui a un nombre d'élèves environ de 5000 élèves chaque année. Chaque année, il y a une quantité de 5000 élèves qui étudient l'islam. Chaque année, il y a des centaines d'élèves qui sont gradués, diplômés de cette université-là, qui viennent de tous les pays dans le monde, d'accord? Donc, si on calcule le temps, depuis quand l'université était ouverte jusqu'à aujourd'hui, si tous les élèves qui étaient gradués de cette université-là faisaient leur devoir de faire le da'wah et d'enseigner aux gens l'aqida et les fondements de l'islam, c'est certain que la situation de la Ummah ne serait pas telle qu'elle est. Et là, on parle d'une seule université islamique dans le monde. Donc, si c'était le cas pour tous ces élèves-là seulement dans cette université-là, la situation de la Ummah ne serait pas telle qu'elle est aujourd'hui. Le problème, c'est que beaucoup d'entre les élèves qui sont gradués de ces universités-là et qui sortent avec des diplômes, quand ils retournent, ils ne font pas de da'wah. Ils n'enseignent pas aux gens l'islam. Ils gardent uniquement cette connaissance qu'ils ont acquis pour eux-mêmes, ou bien ils font autre chose avec la connaissance qu'ils ont reçue. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc ça c'est un grand problème en réalité. Donc, et en plus parfois, bon, on sait que la aqida qui est enseignée là-bas, c'est la aqida salafie. Mais tu vois qu'il y en a qui vont étudier là-bas, qui ont d'autres manhaj, d'autres aqidas, et qu'ils cachent. Et quand ils vont dans leur pays, ils n'enseignent pas l'aqida salafi, ils enseignent d'autres choses. Donc ils suivent d'autres manahij et d'autres voies. Donc c'est aussi une autre cause pourquoi il n'y a pas vraiment assez d'impact à cette da'wah. Donc le cheikh il dit que si tu regardes maintenant dans les pays musulmans, tu vois que partout il y a toutes sortes de formes de shirk akbar qui se produisent, des formes de shirk majeurs. Et on fait construire des mashahid, des endroits où, par exemple, il y a des tombes ou des awliyas qui, soi-disant, qui sont enterrés, on fait construire par-dessus des genres de sanctuaires ou des mausolées ou des trucs comme ça pour inviter ou amener plus de visiteurs, hein, pour venir visiter ces lieux-là. Et on fait des sortes de visites guidées ou des tours. Alaykoum salam, on organise des sortes de tournées ou des visites guidées pour aller à ces lieux-là, hein. Et des fois, c'est le gouvernement de ces pays-là qui dépense de l'argent pour rénover ces endroits-là et les faire vraiment, vraiment bien, hein, une belle apparence et tout. Et une fois, je me souviens, j'étais dans un pays musulman, puis il y avait justement une mention dans un journal qu'ils avaient dépensé des milliers de dollars pour rénover un de ces lieux-là, hein. Donc, on voit que les gouvernements de ces pays-là, ils dépensent beaucoup d'argent pour rénover ces choses-là, alors qu'en fait, c'est des choses qui sont contraires même à l'islam, hein, et contraires à l'aqida et au tawhid. Et les pays de Kufr encouragent ces choses-là. Les pays de Kufr encouragent les pays musulmans à faire des choses pareilles, et il y a la plupart des musulmans qui sont, ils disent rien, hein, c'est à qui tourne. C'est-à-dire, ils se taisent devant ces problème-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, inna shirka la zulmun azim. Tu vas toujours entendre des gens qui vont parler ou dénoncer des groupes des droits de l'homme, des groupes de manifestations, d'organisations non gouvernementales qui font des manifestations, qui veulent dénoncer certaines formes d'injustice dans les pays, dans certains pays musulmans. Et puis, la plus grande forme de zulm, qui est shirk billah, il n'y a personne qui dit rien pour la dénoncer. Hein? Donc, les formes de zulm que les hommes font entre eux, qui sont des formes de zulm mineures, si on veut, par rapport au shirk, eh ben, il y a des gens qui font des grosses histoires avec ça, mais quand c'est un shirk billah, personne ne dit rien. D'accord? Donc, ça, c'est des exemples comment les gens, leur conception ou leur vision des choses est parfois retournée à l'envers. Et donc, le cheikh, il dit que si tu vois la situation de la Oumma actuellement, toutes les guerres qui se produisent, et les famines, et les autres problèmes qu'on observe et qu'on peut entendre dans les médias et tout ça, qui a atteint la Oumma, eh ben, la cause de tous ces problèmes-là, c'est à cause de la négligence du da'wa. C'est-à-dire qu'on a cessé de faire le da'wa, hein, et que on a laissé les gens dans l'ignorance et dans l'égarement, puis on fait rien pour changer la situation. Donc ça, c'est la cause de tous nos problèmes. Après, le cheikh, il dit, il commence à expliquer le premier verset que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a mentionné dans ce chapitre-là. Et c'est quoi ce premier verset-là? C'est وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Donc là, il va commencer à expliquer ce verset pour nous faire comprendre c'est quoi le manhaj du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la question du da'wa à Allah subhanahu wa ta'ala, d'appeler à Allah. Il dit, qala rahimahullah ta'ala, qawlu Allah ta'ala, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana min al-mushrikin. Hadhihi al-aya fi akhir surati Yusuf, ya'muru Allah subhanahu wa ta'ala nabiyahu Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam أن يعلن للناس عن بيان منهجه ومنهج أتباعه وهو الدعوة إلى الله على بصيرة فدل على أن من لم يدعو على بصيرة فإنه لم يحقق اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان عالما وفقيها. Donc le verset, qu'est-ce qu'il dit? Ça, c'est un des versets qui est à la fin de sourate Yusuf. Il dit ô Muhammad, aux gens, voici ma voie, voici mon chemin. J'appelle les hommes à Allah avec basira, c'est-à-dire avec science, avec connaissance, moi ainsi que ceux qui m'ont suivi. C'est-à-dire moi j'appelle à Allah avec science, et ceux qui m'ont suivi aussi, eux, ils appellent aussi à Allah avec science et connaissance. Wa subhanallah, et que Dieu soit purifié de toute imperfection. وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Et je ne suis pas parmi les mushrikines, ceux qui associent avec Allah subhanahu wa ta'ala et qui font le shirk. Donc, là, il commence l'explication, il dit que Allah, dans ce verset-là, il ordonne au prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire à tout le monde et d'expliquer à tout le monde c'est quoi sa méthode et sa voie dans l'appel des gens. Sa méthode à lui et la méthode des gens qui l'ont suivi pour appeler les gens à Allah subhanahu wa ta'ala sur la science. Et ça, ça montre que celui qui n'appelle pas à l'islam et celui qui n'appelle pas à Allah subhanahu wa ta'ala, eh ben, il n'a pas réellement suivi comme il faut le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce que Allah, il dit, ana wa man ittaba'ani, moi et ceux qui m'ont suivi. Donc si tu dis que tu suis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais tu appelles pas à Allah, donc tu n'as pas suivi comme il faut le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Même si tu as du ilm et même si tu as une compréhension de la religion, tu n'as pas suivi comme il faut le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le cheikh il dit, وقوله تعالى قل أي قل يا محمد للناس صلى الله عليه وسلم هذه سبيلي السبيل معناها الطريق الذي أسير عليها وأدعو إلى الله إلى توحيد الله عز وجل وإفراد العبادة وإفراده بالعبادة وترك عبادة ما سواه وترك عبادة ما سواه وكذلك الدعوة إلى بقية شرائع الدين فتكون الدعوة للكفار للدخول في الإسلام وتكون الدعوة للعصاة من المسلمين للتوبة إلى الله عز وجل وأداء الواجبات والتحذير من الوقوع في الشرك واجتناب المحرمات والدعوة ليست مقصورة على دعوة الكفار بل حتى المسلمون الذين هم بحاجة إلى الدعوة لوقوعهم في المعاصي والمخالفات ويحتاجون إلى دعوة يحتاجون إلى دعوة دعوة إلى التوبة وأداء الواجبات وترك المحرمات والمخافة من الله فالدعوة عامة الدعوة إلى معرفة التوحيد ومعرفة ما يضاده donc le cheikh ici il explique il dit que ce chemin voici il dit oh Muhammad voici mon chemin le chemin sur lequel je marche J'appelle les gens à Allah. Et là, il explique qu'est-ce que ça veut dire. Ça veut dire que j'appelle les gens à l'unicité d'Allah, le tawhid. Ok? Et il y a beaucoup de groupes et des gens qui disent qu'ils font le da'wah. Mais quand tu observes et quand tu analyses comme il faut, qu'est-ce qu'ils font? Ils appellent pas les gens au tawhid. Ils appellent pas, ils expliquent pas aux gens le tawhid et le shirk et le danger du shirk. Ils parlent de d'autres affaires, de d'autres choses secondaires dans l'islam. Et donc ça c'est la preuve qu'ils n'ont pas réellement compris la réalité de qu'est-ce que signifie al-da'wa. La plus importante des choses dans le da'wa, c'est d'appeler les gens à unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration et d'abandonner tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et par la suite, d'appeler les gens à tous les autres aspects et tous les autres principes de la sharia, de l'islam. Et donc la da'wa, elle est parfois aussi au kuffar, pour les inviter à entrer dans l'islam, hein, et aussi la da'wa peut être pour les musulmans qui font des péchés, et qui, par exemple, ont besoin de faire tawbah, c'est-à-dire qui ont besoin de se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala, et de commencer à appliquer les obligations de l'islam qu'ils ont négligées, et de les avertir pour ne pas qu'ils tombent dans des formes de shirk, et pour qu'ils s'écartent de certains péchés. Donc tout ça, ça fait partie de da'wa. Il y a des gens qui pensent que la da'wa, c'est juste pour les kuffars, juste les chrétiens et les juifs, les débats de Ahmed Didat et tout, hein, pour inviter les non-musulmans à l'islam. Non, da'wa, c'est pas juste pour les kuffars, c'est aussi pour des musulmans. Il y a des musulmans qui font du shirk, il y a des musulmans il y a des gens qui font du shirk asrar, il y en a d'autres qui disent qu'ils sont musulmans et font du shirk akbar, il y en a qui font des péchés, qui font toutes sortes de choses haram, de riba, zina, et d'autres formes aussi, qui font pas la salat par exemple, hein. Donc, toutes sortes de choses comme ça. Ces gens-là aussi, eux, ils ont besoin de da'wah. C'est pas que tu les laisses, hein. Tu dis, ah, mais ils veulent pas écouter. Ah, mais c'est normal qu'ils veulent pas écouter. Ils suivent leur passion. Celui qui suit ses passions, il veut pas entendre le haq. Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, hein, il a fait le da'wah aux gens qui voulaient pas l'écouter. Quand il les appelait à Allah subhanahu wa ta'ala, ils mettaient leurs doigts dans leurs oreilles pour pas entendre. Hein. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ja'alou asabi'ahum fi adanihim » à propos de Nuh alayhi salam, quand il appelait son peuple à l'islam, eh ben, ils mettaient leurs doigts dans leurs oreilles, ils se couvraient même, « Mustarsha utiyabahum » ils mettaient leurs vêtements sur leur tête pour pas entendre. Ça veut dire que le da'wah c'est pas juste pour ceux qui veulent entendre, hein, comme on dit, quand on prêche aux convertis, hein, c'est une façon de parler, une expression en français, tu prêches juste à ceux qui ont accepté ton idée, qui sont d'accord avec toi, ça c'est facile, hein. T'as pas besoin de les convaincre, ils sont déjà convaincus. Mais quand tu vas aller à ceux qui veulent pas entendre, qui veulent pas écouter, c'est ça le da'wah. Tu les invites à faire la salat, tu les invites à pratiquer les choses de l'islam qu'ils ont négligées. Ça c'est important aussi. C'est pas de dire, comme il y en a des gens, tu vas aller parler de l'islam, ah, mais toi tes affaires, hein, ça te regarde pas, c'est ma vie, c'est personnel, la religion c'est entre moi et Allah. C'est pas toi qui vas me juger, etc. Tout ça, c'est le shaitan qui leur souffle ces paroles-là pour les encourager à rester loin de la vérité. Mais toi, tu dois utiliser la sagesse et tu dois leur faire comprendre que tu veux pas te montrer mieux que, tu veux pas y aller rien de leur part, tu veux uniquement leur bien et que tu as un intérêt pour eux. Et petit à petit, hein, ils vont voir que, inshallah, tu es sincère, et puis peut-être Allah va mettre la vérité, la lumière dans leur cœur, inshallah, avec le temps et avec la patience. Donc, il faut aussi faire la da'wah aux musulmans qui sont éloignés de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et faire preuve de hikmah avec ces gens-là aussi. Donc, la da'wah c'est aussi pour les musulmans qui font des péchés, qui font des contradictions à l'islam, pour qu'on les appelle à se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala et d'appliquer ce qu'ils ont abandonné d'obligation ou qu'ils ont fait de péché pour qu'ils commencent à cesser de faire ces péchés-là et pour qu'ils craignent Allah subhanahu wa ta'ala et pour qu'ils, s'écartent de tout ce qui est mauvais dans l'islam, etc. Donc, ça c'est un résumé de qu'est-ce que ça signifie d'appeler à Allah subhanahu wa ta'ala, mais il y a d'autres détails aussi que le cheikh va expliquer. Il dit ad'u ila Allah qala al-cheikh rahimahullah fihi at-tanbih ala al-ikhlas fa inna ba'd an-nas inma yad'u ila nafsihi faqad yakunu al-insan yad'u wa yuhadir wa yakhutub walakin qasduhu min dhalik أنه يتبين شأنه شأنه عند الناس ويصير له مكانه ويمدح من الناس ويتجمهرون عليه ويكثرون حوله فإذا كان هذا قصده فهو لم يدعو إلى الله وإنما يدعو إلى نفسه والإنسان الذي يترك الدعوة فإنه ترك واجبا عظيما والإنسان الذي لم يخلص في الدعوة يقع في محذور عظيم بل لا بد من الدعوة وأن تكون خالصة لوجه الله عز وجل ويكون القصد منها إقامة شرع الله والقصد منها هداية الناس ونفع الناس مدحوك أو ذموك فبعض الناس إذا لم يمدح ويشجع ترك الدعوة وهذا دليل على أنه لا يدعو إلى الله وإنما يدعو إلى نفسه فليتنبه المسلم ويكون رائده وقصده من دعوته هو الإخلاص لوجه الله عز وجل ونفع الناس وتخليصهم من الشرك ومن البدع ومن المخالفات وإن يؤدي الواجب الذي عليه والكثرة حول الشخص لا تدل على فضله بل الأنبياء لم يتبعه إلا القليل بعض الأنبياء لم يتبعه إلا القليل النبي ومعه الرهد والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد هل هذا يدل على عدم فضل هذا النبي؟ لا حاشا وكلا فالإنسان لا ينظر إلى كثرة الحاضرين لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. Le Cheikh, qu'est-ce qu'il explique ici? Il dit que le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, lorsqu'il a parlé d'appeler les gens à Allah, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, il a fait mention d'un point très important, et c'est de faire attention à notre ikhlas, c'est-à-dire la pureté de nos intentions et de notre sincérité lorsqu'on appelle les gens à Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il y a certaines personnes qui n'appellent pas les gens à Allah subhanahu wa ta'ala, mais qui appellent les gens à les suivre eux, d'accord? Donc, la personne, elle appelle à elle-même. Et il y en a donc des gens, lorsqu'ils invitent les gens, lorsqu'ils font des conférences, lorsqu'ils font des khutab, des discours, ils veulent, par ces choses-là, montrer qu'ils sont importants, ou qu'ils ont une importance auprès des gens, et qu'ils veulent atteindre un certain statut pour que les gens commencent à le glorifier, et que les gens commencent à se rassembler autour de lui. Et donc, si la personne a cette intention-là quand il fait ça, eh bien, il n'a pas appelé à Allah subhanahu wa ta'ala. Il a appelé uniquement à lui-même. Donc, l'être humain, la personne ne doit pas abandonner la da'wah parce que c'est une obligation, mais celui qui a fait le da'wah, mais qui n'a pas été sincère dans son da'wah, eh bien, il a fait un grave péché. Hein? Il a fait un grave péché. Et des fois, il y a des gens, quand ils appellent les gens à l'islam, ils prennent ça personnel. C'est-à-dire, quand ils appellent une personne à Allah subhanahu wa ta'ala, ou à quelque chose de l'islam, ou de la sunna, si la personne accepte pas si la personne à qui tu parles n'accepte pas ce que tu lui dis, eh bien, tu te fâches et tu le prends personnel, comme si la personne ne t'avait pas accepté toi. D'accord? Et ça, c'est pas correct. Tu dois pas te fâcher pour toi-même. Quand tu appelles à Allah subhanahu wa ta'ala, tu dois, au contraire, pas te fâcher pour toi-même. Bien entendu, tu peux te fâcher tu peux te fâcher dans le sens que la personne refuse la vérité qui vient d'Allah, bien entendu, mais tu le montres pas à la personne de cette façon. Tu dois essayer de te contrôler puis de garder ça pour que la personne comprenne qu'en réalité, toi tu veux son bien. Hein, et c'est pour son bien à elle que tu fais ça. Hein, c'est pas pour toi, pour ton intérêt personnel à toi. D'accord? Donc ça c'est important de comprendre ce point-là. Et donc aussi, comme le cheikh explique, qu'il faut être sincère dans notre da'wah et appeler les gens uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le but quand tu fais le da'wah, c'est d'établir la religion d'Allah et la sharia d'Allah et d'amener les gens à la guidance, de leur montrer le droit chemin. Et de leur amener du bien, de leur amener quelque chose de bien pour eux. Et quand tu fais ça, tu ne dois pas t'attarder au fait que est-ce que les gens vont te glorifier ou ils vont te critiquer ou te blâmer. Hein? C'est-à-dire, tu ne dois pas essayer de voir est-ce que les gens vont m'aimer ou est-ce que les gens vont pas m'aimer. Hein? C'est-à-dire, ah, mais si je leur dis ça, ils vont pas m'aimer. Hein? Je ne vais pas leur parler de ça, je ne vais pas leur dire ça c'est haram. Parce que si je leur dis ça, ils vont pas m'aimer et puis je vais pas être populaire. Donc, je vais juste leur dire ce qu'ils veulent entendre, comme ça je vais être populaire. Et des fois, subhanallah, tu vas voir certains cheikhs ou bien certaines personnes qui font le da'wah ou qui appellent à l'islam, et on dirait que c'est un truc de comédie qu'ils font. C'est-à-dire, ils font des blagues du début jusqu'à la fin pour faire rire les gens. Mais à la fin, des fois on se demande, est-ce que il appelle à l'islam ou bien est-ce qu'il appelle à lui-même juste parce qu'il veut que les gens l'acceptent et l'aiment. Des fois il se dit, ah, mais si je fais pas des blagues, les gens vont pas aimer ça, ils vont pas rire et puis ils vont pas être entertained, comment on dit, ils vont pas s'amuser, ils vont pas avoir du plaisir. Non, capter, en tout cas peut-être. Mais des fois c'est ça, tu sens que la personne elle hésite de parler des choses que les gens ont vraiment besoin d'entendre. Et j'ai déjà fait l'expérience quand j'ai été invité dans certaines conférences, dans certains endroits comme par exemple des universités. Il y a des frères à l'Université de Montréal. Il y a des frères qui m'ont invité. Ça fait très longtemps par exemple, mais ils m'ont invité parfois pour faire parler de certains sujets là-bas et bon, j'essaie toujours de toucher à des points qui ont rapport avec l'aqidah et le tawhid et des choses comme ça. Et les gens là-bas sont pas habitués d'entendre de ces sujets-là parce que à chaque fois on leur parle toujours de politique, d'économie, de trucs, des choses de secondaires et pas des choses vraiment fondamentales. Et le fait d'entendre parler de ces choses-là, c'est comme si c'était la première fois qu'ils entendaient parler de ça. Et il y en a qui venaient me voir après la conférence, ils me disaient Eh bien, alhamdoulilah, on a beaucoup aimé ces sujets-là, on a besoin d'entendre, mais on n'entend jamais. Et donc, je leur ai dit, ouais, c'est bien dommage, parce qu'en fait, c'est la base de l'islam, de comprendre ces choses-là et de parler de ces choses-là. C'est ça le plus important dans la religion. Et donc, ils voulaient l'entendre, mais malheureusement, ils n'avaient pas l'occasion ou la chance de connaître ou d'inviter des gens qui leur faisaient leur appel à ces sujets-là. Donc, c'est pour voir que c'est important, yani, de parler de ces choses-là. Et même si les gens vont te détester, même si les gens vont pas t'aimer, les gens vont vont dire de toi, ah, lui, hein, comme il y a des gens maintenant, qu'est-ce qu'ils disent, ah, il parle juste, il suit l'Arabie Saoudite, hein, des choses comme ça, et des bêtises comme ça. Ouais, il commence à les catégoriser comme le Fadi, comme il dit, ah, lui c'est un terroriste, lui c'est un intégriste, lui c'est un fanatique, ou peu importe qu'est-ce qu'ils peuvent dire. Et ou bien s'il commence à le glorifier, comme le cheikh dit à des gens, s'il se fait pas glorifier, il abandonne le da'wah. Si les gens disent pas du bien de lui tout le temps, puis commencent pas à le flatter tout le temps, il laisse le da'wah. Et ça, c'est très mauvais. Le cheikh dit, en fait, à propos du sujet de se faire glorifier par les gens, au contraire même, c'est bien que les gens viennent te critiquer. Et malheureusement, qu'est-ce que j'ai remarqué, quand les gens veulent te critiquer, ils te critiquent jamais en face. Et ça, c'est triste et c'est mauvais en fait. Ils vont le dire derrière ton dos. Ah, lui, il a dit ça, c'est pas correct. Il a dit ça, il a fait ça, c'est pas correct. Ils viennent pas te voir en personne pour te faire la siha, pour te donner le bon conseil, mais ils vont le dire derrière ton dos et parler de derrière ton dos pour te dire. Et devant toi, peut-être qu'ils vont te dire oui, c'est correct, c'est bon. Puis derrière ton dos, ils vont te critiquer. Donc ça, c'est pas bon, parce que la personne, elle a besoin de connaître ses erreurs. Des fois, quelqu'un peut faire des fautes, peut faire des erreurs quand il parle, quand il explique des choses, et puis il s'en est pas aperçu. Et c'est bien que des frères qui ont ça viennent le voir pour lui donner une nasiha pour qu'il revienne sur ses erreurs et pour qu'il se corrige, d'accord. Et celui qui n'aime pas la critique et qui n'accepte pas la critique, c'est parce qu'il lui manque, de sincérité. Il lui manque de sincérité, et puis aussi c'est parce qu'il n'appelle pas à Allah subhanahu wa ta'ala, mais il appelle à lui-même. Hein? Et donc il faut comprendre que, par exemple, si des gens nous critiquent, c'est pas nécessairement parce que ils sont contre nous, mais au contraire, des fois, c'est parce qu'ils nous aiment. Et c'est parce qu'ils veulent du bien pour nous. D'accord? Donc, des fois, il y a des gens qui viennent et te glorifient. En réalité, c'est les pires ennemis, hein, parfois. Parce que ils t'éloignent de ce qui est vraiment bien pour toi et te laissent continuer dans une voie qui est erronée ou qui est incorrecte parfois, hein. Et donc, ça, c'est très important de comprendre ça, que yani, ton frère, il a fait une erreur, tu le corriges et puis tu l'acceptes, alhamdoulilah. Et donc, c'est comme ça qu'on arrive à s'encourager dans le bien. Ensuite, le cheikh, il dit donc que les gens, si on les glorifie pas, si on parle pas de bien en eux, ben ils abandonnent la da'wah. Et ça, c'est la preuve qu'ils n'appellent pas les gens à Allah, mais qu'ils appellent à eux-mêmes. Donc, le musulman, il doit faire attention pour que son intention et son but soient uniquement d'appeler les gens à la sincérité, hein, et à Allah subhanahu wa ta'ala avec sincérité, et uniquement pour le visage d'Allah, et pour que les gens profitent, hein, et aident pour le bien des gens, et pour les éloigner du shirk et des bid'ah et des choses contraires à l'islam, et pour qu'ils appliquent les obligations qu'ils ont à respecter. Et puis, il faut pas tenir compte, comme on l'a expliqué déjà dans d'autres cours, de la quantité de gens qui te suivent ou qui t'écoutent, etc. Parce que ça n'a rien à voir, ça veut rien dire. Il y a des pasteurs chrétiens, par exemple, aux États-Unis, quand ils font des prêches dans certains endroits, ils remplissent des stades, ok, ils remplissent des stades de monde, et puis ils parlent de toutes sortes de formes de choses qui sont complètement fausses, et les gens viennent pour écouter. Quand il y a des spectacles de certains chanteurs ou des vedettes, mais ils remplissent des auditoriums et des stades avec des gens qui viennent les écouter pour écouter leurs chansons et leur musique et des choses de batil, hein, des choses de fausseté, hein. Et ça, c'est des gens qui appellent à l'égarement et qui appellent au péché et à des choses haram, et au kufr et au shirk et d'autres choses comme ça. Donc, la quantité de gens qui suivent quelqu'un ou qui écoutent quelqu'un, ça ne veut pas dire que ce qu'elle dit, cette personne, est vrai et que c'est la bonne chose, hein. Tandis que peut-être que quelqu'un, par exemple, il est en train d'enseigner aux gens la vérité et le bien, et que seulement certaines personnes, peu de gens vont l'écouter. Hein, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit bada al-islam ghariban wa sayaud ghariban kama bada fatuba lil-ghuraba. L'islam est commencé comme une chose étrange, elle va redevenir étrange, hein. Alors annoncez la bonne nouvelle à ceux qui sont les étrangers. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a expliqué qui ils sont. Il a dit ce sont des gens qui essaient de réformer, hein, qui essaient d'améliorer la situation, changer les choses pour le mieux, et peu de gens qui les suivent. Donc ça, c'est un exemple. Et il y a beaucoup de gens qui sont mauvais et peu de gens qui sont sur le droit chemin. Donc ça, c'est qu'est-ce qu'on appelle al-ghuraba. Et donc ça, c'est un signe. Et aussi, pas seulement ça, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a montré que il y a certains prophètes qui arrivent et qu'il y a seulement peu de gens qui les ont suivis. Il y en a un prophète qui va arriver au jugement dernier, même pas une dizaine de personnes qui l'ont suivi. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Il y a un autre prophète qui vient, il y a une ou deux personnes qui l'a suivi seulement. Et un autre prophète, personne du tout qui l'a suivi. Et donc le cheikh, il dit, ça ne veut pas dire que ce prophète-là n'a pas de mérite. Hein, parce que on doit pas regarder la quantité de gens qui écoutent et qui sont présents, mais plutôt il y a la sincérité et le bien. Le chef il mentionne un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit si Allah a guidé par toi une seule personne, c'est mieux pour toi que les chameaux rouges, hein, chameaux rouges. Humur al-ni'am. Ça, c'était une des plus grandes richesses que les Arabes possédaient à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les chameaux rouges. Ok, et donc pour en posséder les chameaux rouges, yani c'était comme posséder des Ferrari ou des Rolls Royce ou des grosses voitures aujourd'hui, hein? Non, pas Rolls Royce, non, Lamborghini. Ok, les grosses voitures que tout le monde rêve d'avoir. Ok, donc ça c'est un exemple. Et dans une autre version de ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit khayrun laka min ad-dunya wa ma fiha. C'est meilleur pour toi que la dunya et tout ce qui est dedans, tout ce qui est dans ce monde de richesse, de bonté. Si ça, c'est-à-dire tu guides une seule personne, si Allah fait que tu es la cause de la guidance d'une seule personne, c'est mieux pour toi que tout ça. Donc c'est pas la quantité qui est importante. Si tu arrives à guider une seule personne, c'est déjà quelque chose de bien. Ok, donc le cheikh dit que tu t'amènes à l'as à la bab ibn Mas'ud وهو يريد الخروج إلى الصلاة فلما خرج ومشوا خلفه التفت إليهم وقال ارجعوا فإنه فتنة للمتبوع وذلة للتابع. Donc il dit, le cheikh il dit que les gens se sont réunis à la porte d'Abdullah ibn Mas'ud et il sortait pour aller à la mosquée, pour aller faire la salat, et lorsqu'il est sorti il y avait des gens qui se sont réunis autour de sa porte. Donc quand il est sorti, les gens commençaient à marcher derrière lui pour le suivre. Et Abdullah ibn Mas'ud s'est retourné vers eux et il leur a dit, dispersez-vous, bien retournez, parce que c'est une fitna pour la personne que vous suivez et c'est une humiliation pour celui qui suit. C'est comme si un rabaissement pour celui qui suit. Donc il leur a interdit de faire une chose pareille. Et le cheikh il commence à expliquer par la suite, il dit ad'u ila Allah ala basira. Al-basira ma'naha al-ilm, bal hiya a'la darajat al-ilm. Wa fi hadha dalil ala annahu yashtaritu fi ad-da'iyah an yakuna ala basira, ay ala 'ilmin bima yad'u ilayh. Amma al-jahil fala yaslihu lid-da'wah, bal la budda an yatazawwad bil-'ilm qabla an yashra'a fi الدعوة، لأنه في دعوته يتعرض إلى شبهات ومناظرات، فمن أين يجيب إذا وقف في وجه معاند أو معارض أو مشبه أو مشبه نعم أو مشبه، فكيف يستطيع الخلاص؟ إنه يفشل، وعليكم السلام ورحمة الله، إنه يفشل ويصير نكسة على الدعوة، أو يجيب بجهل ويكون الأمر أخطر، إما أن يسكت عن الجواب وينتصر عليه الخصم، وإما أن يجيب بجهل فيكون الأمر أخطر. هذا من ناحية. وأن الناحية الثانية أن الداعي يحتاج إلى معرفة الحلال والحرام، فقد يقول بجهله هذا الشيء حرام وهو حلال، وقد يقول بجهله هذا الشيء حلال وهو حرام، فالداعية يجب أن يكون على علم بما يدعو إليه، بحيث إنه يعرف الحلال والحرام، ويعرف الواجب والمستحب والمحرم والمكروه والمباح، ويعرف كيف يجيب على الاعتراضات والشبه والمجادلات، كما قال تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. Donc le cheikh il dit que tu dois appeler les gens avec la al-basira, et al-basira c'est le plus haut degré de la connaissance, ok? Donc ça prend comme condition pour faire da'wa, pour être un da'ya, il faut avoir al-basira, al-ilm, ok? Et donc tu dois connaître la chose à laquelle tu appelles les gens. À quoi tu appelles les gens, à quoi? Tu dois le connaître, tu dois savoir. Et l'ignorant, la personne qui est ignorante, elle ne peut pas, elle n'est pas apte à faire le da'wah. Il faut que cette personne s'approvisionne d'une science avant de commencer à vouloir faire le da'wah. Parce que lorsque tu fais le da'wah, tu vas être mis en face de toutes sortes de shubuhat, disons des pièges, et des débats. Des fois, tu vas être obligé de rentrer dans certaines discussions ou argumentations avec certaines personnes. Et donc, si tu n'as pas de connaissances suffisantes, tu ne seras pas capable de répondre et de te tenir en face de cette personne qui s'oppose à la vérité, ok, et qui essaie de lancer des doutes et des pièges, yani, pour tromper les gens. Donc, comment tu vas faire pour t'en sortir si tu n'as pas de connaissances? Le cheikh, il dit, tu vas automatiquement, si tu n'as pas de science, tu vas pas réussir, tu vas pas être capable de le faire. Il dit, et lorsque tu vas échouer dans ta da'wa, eh ben ça retombe contre la da'wa par la suite. Ça retombe pas seulement contre toi, mais contre la da'wa, d'accord? Parce que le fait que tu n'es pas capable de lui répondre, eh ben ça donne l'impression aux gens qu'il a raison, et que c'est lui qui a gagné, ou que c'est lui qui l'a emporté avec sa choubra. Alors qu'en réalité, qu'est-ce qu'il dit, c'est complètement faux. Mais c'est parce que toi, tu n'étais pas apte à répondre à cette choubra, et donc à cause de ça, tu as nui à la da'wa, parce que tu as montré, tu n'as pas été apte à répondre à son opposition ou à son objection. Et le chef, il dit, soit que le cas, c'est que tu restes bouche bée, que tu réponds pas, ou bien que tu réponds par ignorance ou avec ignorance. Et ça, c'est encore plus dangereux, parce que si tu réponds par ignorance, ben là tu vas te mettre dans une position où tu vas peut-être te faire encore plus écraser et aller par la suite, parce que tu as amené quelque chose de faux, et là la personne pourra te répondre encore une fois et tu vas être encore plus mal pris qu'au début. Et donc, et en plus tu mens à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala et à propos de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, et donc ça déjà c'est parler à propos d'Allah sans ilm, et ça c'est un des plus grands parmi les péchés dans l'islam. Donc c'est très dangereux d'être dans une situation pareille, et donc ça c'est la position de la personne qui essaie de faire le da'wah alors qu'elle n'a pas les connaissances suffisantes pour le faire. Donc soit que tu vas te taire et que tu vas laisser ton opposant avoir le dessus sur toi, ou bien soit que tu réponds par ignorance, et ça c'est encore plus dangereux. Donc ça c'est un des aspects qui fait que c'est dangereux d'essayer de faire le da'wa sans connaissance. Un autre aspect qui rend la chose aussi dangereuse, ou qui fait que c'est pas correct de faire le da'wa sans connaissance, c'est que tu as besoin de connaître ce qui est halal et ce qui est haram. Peut-être que tu vas dire par ignorance, quelqu'un va dire par son ignorance que quelque chose est haram alors qu'elle est halal, ou il va rendre quelque chose halal alors qu'elle est haram. Donc la personne qui fait le da'wah, c'est obligatoire pour lui d'avoir la connaissance de ce à quoi il appelle les gens, et de connaître ce qui est halal et haram, et de connaître ce qui est wajib, c'est-à-dire qu'est-ce qui est obligatoire et ce qui est recommandé, ce qui est interdit, ce qui est déconseillé et ce qui est permis. Hein? Donc, si tu ne connais pas ces choses-là, comment tu vas faire le da'wah? Comment tu vas répondre aux questions lorsque les gens te posent des questions? Et aussi, il faut que tu sois capable de répondre aux objections que les gens te posent, et parfois aux shubuhat, hein, les pièges et les disputes, les argumentations que les gens vont te poser parfois pour essayer de discuter avec toi sur certains points. Tu dois être capable de leur répondre et de, disons, les remettre à leur place. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, appelle au chemin de ton Seigneur avec sagesse et avec une bonne exhortation, et argumente avec eux de la bonne façon, de la meilleure façon. Et donc, comment tu peux être capable de faire ça? Le cheikh il dit, كيف يستطيع أن يجادل بالتي هي أحسن وهو الذي كيف يستطيع أن يجادل بالتي هي أحسن وهو ليس عنده علم فيشترط في الداعية أن يتأهل بالعلم فإن بعض الدعاة اليوم ليس عندهم علم وإنما يجيد الكلام والشقشقة والخطابة ولكن ليس عنده علم بحيث لو عرضت له أدنى شبهة أو سئل عن أدنى مسألة في الحلال والحرام يتخبط فيها. Le Cheikh il dit, comment tu vas être capable d'argumenter avec eux de la bonne façon si tu n'as pas de ilm? Et donc une condition pour la personne qui fait le da'wah, c'est qu'il soit bien, disons, apte à faire il doit avoir la connaissance nécessaire. Et aussi, il dit que certaines personnes qui font le da'wah aujourd'hui, ils n'ont pas de science. Ils savent juste bien parler. Et ils savent faire des beaux discours, hein, et ils ne savent pas rien de la science. Donc si on leur donne n'importe quel shubha, ou on leur pose n'importe quelle question sur une question du halal et du haram, ils commencent à patauger puis à dire n'importe quoi. Donc ça c'est pas correct. Et le chef il dit « Ana wa man ittaba'ani » il dit « Moi et ceux qui m'ont suivi » أي وأتباعي يدعون إلى الله على بصيرة فدل على أن من لم يدعو إلى الله لم يحقق اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وأن من دعا إلى الله على جهل لم يحقق اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم بل إنه أدخل نفسه فيما ليس من شأنه وصار خطرا على الدعوة وعلى الدعاة. الشيخ الزي moi ainsi que ceux qui m'ont suivi, ça veut dire que ça veut dire que ceux qui me suivent, hein, mes fidèles, le professeur Al-Sallam il dit, ceux qui me suivent, ils appellent à Allah subhanahu wa ta'ala avec connaissance. Donc ça montre que celui qui n'appelle pas à Allah, il n'a pas réalisé réellement, il n'a pas suivi réellement comme il faut le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui appelle à Allah avec ignorance, il n'a pas non plus accompli ou réalisé réellement le fait de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. En fait, il s'est mis lui-même dans une position où il est rentré dans quelque chose qui n'a rien à voir avec lui, et donc il est devenu un danger pour la da'wah et un danger pour ceux qui font le da'wah à Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Et donc ça c'est très important de faire attention à ce sujet-là. Ok. Non. Non. Non. Non, si tu connais bien comme il faut le tawhid, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, tu connais les conditions, les choses qui annulent la ilaha illallah, les formes de shirk, majeur, mineur, les formes de bid'ah, tu sais comment répondre aux shubuhat des mushrikines et des kuffars ou des mubtadi'a à ces différents sujets-là, donc dans ce cas-là tu es apte à faire le da'wah, d'accord? C'est ça. Exactement. En fait, c'est ça qu'il faut faire. Quand tu fais le da'wah et que tu arrives à une question ou à un point au sujet de quelque chose que tu ne maîtrises pas ou que tu ne connais pas suffisamment, l'attitude que tu dois prendre à ce sujet-là, c'est que tu dois t'arrêter. Et tu dois pas t'avancer, commencer à essayer de répondre, à dire quelque chose sans que tu sois certain. Hein, et que tu ne connaisses pas la preuve à ce sujet-là. Donc le mieux, hein, dans des situations comme ça, tu appelles à ce que tu connais avec certitude et avec compréhension, et le reste, tu le laisses. Si quelque chose est trop, ou c'est quelque chose qui te dépasse, eh ben tu le fais pas. Parce qu'il y a une attitude opposée à cette attitude-là. C'est l'attitude des gens qui disent non, ça, je peux pas faire le da'wah, c'est juste pour les ulama, les grands ulama, et eux ils ont des connaissances de base des fondements de l'islam, et ils sont capables de faire quelque chose et d'inviter les gens, mais ils prétendent qu'ils sont pas prêts, qu'ils sont pas capables et tout ça, et ça c'est en réalité des fausses excuses, hein, ça c'est des fausses excuses. Donc il y a les deux extrêmes, et il faut faire attention à ces deux extrêmes, et il faut en fait donc faire preuve il faut être juste et il faut être honnête avec soi-même et connaître nos limites. Il faut connaître nos limites. Tu rentres pas dans quelque chose et que tu sais que t'es pas capable, que c'est trop, que ça te dépasse, que c'est trop pour toi. D'accord, il faut. Ouais, mais ça encore là, c'est comme par exemple, comme tu dis, il y a des frères qui vont venir ici, ils vont pas écrire, ils vont pas prendre de notes, mais bon, ils écoutent le dars depuis, et puis ils ont appris les ayat, les adillah et les preuves, et donc ils ont profité de ça, et ils ont une compréhension globale et générale du sujet, et le fait qu'on a répété ce sujet-là plusieurs fois, c'est devenu quelque chose, c'est ancré maintenant dans leur esprit, ça y est, c'est clair pour eux. Et donc, quand ils vont appeler ou quand ils vont expliquer ça à quelqu'un, ils sont capables de l'expliquer comme il faut. Donc, dans ce cas-là, ça peut aller. En ce qui concerne la question de ceux qui prennent juste le N dans les livres, bon, si les frères ils assistent au DAS et ils entendent le DAS, ils n'ont pas juste pris le N dans les livres, mais en même temps, ils ont en même temps appris, hein, avec les explications qu'on a données. Et non seulement ça aussi, c'est que de nos jours, avec les cours qui se donnent, mashallah, maintenant, il y a des cours qui se donnent, soit c'est live, hein, en direct, ou bien des fois même c'est des durus qui ont été enregistrés, hein, des durus des ulama. Donc, il y a la possibilité pour un musulman de chercher la science, non seulement avec les livres, mais avec les durus qui ont été enregistrés, et d'acquérir beaucoup de connaissances par ces durus-là. Et aussi, non seulement ça, mais c'est que l'idée que quelqu'un, par exemple, ne peut pas acquérir une science ou profiter des livres, ça c'est pas vrai de façon absolue. C'est-à-dire c'est vrai que tu peux pas juste dépendre sur les livres seulement, mais ça veut pas dire que tu peux pas acquérir une science et profiter de la science qui est dans les livres. Parce que dans les livres actuellement, ça c'est une des meilleures façons actuellement dans le temps présent pour acquérir la science. Et non. Ah, non, si quelqu'un il dit « moi je prends juste ma connaissance des livres », ça c'est sûr que c'est une erreur, parce que, bon, premièrement, des fois il y a dans les livres, il y a des erreurs d'imprimerie, il peut y avoir des erreurs d'imprimerie, il peut y avoir des erreurs d'édition, parfois il y a, ouais, certains livres n'ont pas de tahqiq, il y a des gens qui prennent un livre sans aucun tahqiq, et « wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh » Ma sha Allah, comment ça va, Mohamed? Barakallahu fiqh, ma sha Allah. Donc, il y a des frères qui prennent des livres, il n'y a pas de tahqiq dans le livre. Ils mentionnent dans le livre, il y a la mention de toutes sortes de hadiths. Il y en a qui sont daïfs, il y en a qui sont mordus, il y en a qui sont daïfs, il y en a qui sont sahih, mais il ne peut pas distinguer entre ces différents hadiths-là, et il mélange tout par la suite. Donc, ça, c'est pas correct. Il faut être capable. Non, des fois, ça peut arriver qu'il va lire certaines parties du livre, il ne va pas comprendre. Bon, dans des cas comme ça, s'il lit quelque chose et il n'arrive pas à comprendre, ou s'il lit un hadith, il ne connaît pas son authenticité, son devoir, c'est d'aller demander au ulama. Par exemple, il dit, bon, j'ai lu tel livre, on mentionne ce hadith, est-ce qu'il est sahih ou daif? Ou bien, il va lire le livre, il lit un passage qui n'est pas clair pour lui, eh bien, il va poser la question au alim, j'ai lu tel livre, et dans tel chapitre, il y a cette mention-là de cette phrase, de cette chose-là, et j'ai pas compris ce que ça signifie, est-ce que vous pouvez m'expliquer? Et là, le cheikh, il va lui expliquer la signification de qu'est-ce qu'il a pas compris. Et ça, ça arrive à tout le monde. C'est pour ça, donc je veux dire, il faut pas que le, il faut pas juste se baser sur le livre seulement. Quand on a le livre, puis qu'il y a des choses dans le livre qu'on comprend pas comme il faut pas hésiter de poser la question au ulama pour qu'il nous explique et clarifie. Celui qui pense qu'il va juste prendre les livres, parce qu'il y en a des gens qui se disent comme, ah non, moi je fais pas confiance au ulama, je veux juste prendre des livres, je prends ceux qui, de ceux qui sont morts, je veux pas prendre de ceux qui sont vivants. Ça c'est, en fait c'est une forme d'égarement en réalité. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, al-ulama wa rasatul anbiya. Hein? Les prophètes sont, les ulama sont des héritiers des prophètes. Et donc, il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Demandez aux ulama si vous ne savez pas. Hein? Donc, ça c'est qu'est-ce qui est nécessaire de faire. Na'am. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Mais ça, bien entendu, ça exige une science, c'est-à-dire il faut connaître les sciences de hadith, le mustalah et toutes ces choses-là. Puis ça, c'est quelque chose qui est, c'est-à-dire c'est les ulama de hadith qui sont spécialisés dans ce domaine-là. Et eux, ils connaissent l'isnad, ils sont capables d'étudier l'isnad pour essayer de vérifier l'authenticité des hadiths s'ils ont un doute sur l'authenticité d'un hadith. D'accord. Toutefois, les hadiths comme Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim sont des hadiths sahih. Ok. Puis il y a d'autres livres également de sahih, comme par exemple, je pense c'est Sahih les Ibn Hibban. Et il y en a d'autres encore qui ont écrit des sahih. Bon, il y a différents livres. Et il y a d'autres livres qui sont pas, qui ont des hadiths sahih et da'if dedans, mais qui ont été disons muhaqqaqa, c'est des livres qui ont été vérifiés, puis on a fait le tahrij et le tahqiq des hadiths, et on peut maintenant savoir avec certitude quels de ces hadiths sont sahih ou da'if. Par exemple, il y a le Cheikh Mohamed Nasruddin al-Albani, rahimahullah, qui a fait justement une classification des hadiths par rapport à leur niveau d'authenticité dans les différents livres de Sunan, comme Sunan Abi Daoud, wa Tirmidhi, wa Ibn Majah, wa Nasa'i, et d'autres livres, et donc il les a classifiés par leur niveau d'authenticité. Il a séparé les da'if, et il a séparé les sahih et le hasan. Donc maintenant on est capable de savoir l'authenticité de ces hadiths-là, et aussi il a écrit d'autres livres comme Silsilat al-Hadith al-Sahiha et Silsilat al-Hadith al-Da'ifa, et donc d'autres livres aussi qui sont des livres de ilm en général, et il a fait le tahrij de ces hadiths et le tahqiq aussi. Donc dans des, maintenant à l'époque actuelle, c'est très très facile de vérifier l'authenticité des hadiths, hein, donc parce que tout a été, le travail a déjà été fait, hein, donc dans ce sens-là c'est facile. Et donc ça aussi, ça fait partie des connaissances que le da'ya il doit posséder lorsqu'il fait da'wa, parce que des fois les gens ils vont te lancer des hadiths, ils vont te lancer des choses, et c'est des hadiths da'if, et eux ils se battent pour ces hadiths-là pour supporter parfois une aqidah qui est incorrecte, ou bien des principes ou des idées qui sont incorrectes. C'est comme, il y a des gens qui rapportent des hadiths, donc quand tu sais pas l'authenticité du hadith, des fois la personne il va te lancer ce hadith qui est daïf ou maudou', et toi tu connais pas son authenticité, alors là tu vas être mal pris, parce que tu vas dire, moi je connais pas ce hadith-là, etc. Donc, tu peux pas répondre. Mais si tu connais l'authenticité ou la faiblesse du hadith, voilà, tout de suite tu peux lui répondre puis lui dire, non, ça c'est un hadith daif. Donc c'est pas une preuve, tu peux pas l'utiliser comme référence. Et donc là, la personne va savoir qu'elle peut pas avancer avec ce hadith-là. Non. Ouais, ben c'est ça. Des fois, bon, ça c'est un grand sujet. Peut-être on va pouvoir revenir à ça après. Je vais terminer ça, puis après, Inch'Allah, on va essayer de répondre un peu à cette question, parce que ça c'est une grande question, Inch'Allah. Donc, comme le Cheikh il dit par la suite, ثم قال وسبحان الله سبحان الله اسم مصدر من سبح بمعنى نزه الله عما لا يليق به من الشرك والقول عليه سبحانه وتعالى بلا علم فإن الله ينزه عن الشرك وينزه عن القول عليه بلا علم فهذا فيه وجوب تنزيه الله سبحانه وتعالى عن النقائص ومن أعظمها الشرك. Donc le Cheikh il dit que Subhanallah, c'est un mot qui signifie comme si on veut purifier Allah subhanahu wa ta'ala et enlever à Allah subhanahu wa ta'ala tout ce qui ne lui convient pas, comme par exemple le shirk ou des paroles qui ont été dites à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala sans connaissance. Donc on veut enlever Allah à Allah ou purifier Allah de toutes ces formes de shirk et de toutes ces paroles qui sont fausses ou qui sont dites sans connaissance, comme par exemple ceux qui disent qu'Allah a un fils, ou ceux par exemple qui associent dans l'adoration avec Allah, ou autre forme de shirk comme ça, et d'ignorance. Donc on doit purifier Allah de ces manifestations-là, et quand on dit Subhanallah, c'est ça ce que ça signifie. Subhanallah, comme Allah est parfait, et comme il est au-dessus de toutes ces imperfections-là que les gens peuvent lui attribuer, et les choses qu'ils peuvent dire à son sujet qui sont fausses. Donc ça c'est l'obligation de purifier Allah subhanahu wa ta'ala de toute faiblesse et de toute imperfection. Et parmi les plus grandes de ces choses-là, c'est al-shirk billah, hein, et le Cheikh il dit « وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ » ça c'est la fin du verset, il dit « هَذِهِ بَرَاءَةٌ مِنَ الرَّسُولِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ » كما تبرأ منهم خليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين ففيه البراءة من المشركين يعني قطع المحبة والمودة والمناصرة بينك وبين المشركين لأنهم أعداء الله وأعداء رسوله فلا يجوز لك أن تودهم بقلبك أو تناصرهم أو تدافع عنهم وقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين ففي هذا دليل على أنه يجب البراءة من المشركين وأن من أصول الدعوة إلى الله البراءة من المشركين أما الداعي الذي لا يتبرأ من المشركين فهذا ليس بداعية وليس على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وإن زعم أنه يدعو إلى الله والكفر بالطاغوت مقدم على الإيمان بالله كما قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى فلا بد من البراءة من المشركين أما الذين يقولون ما علينا من عقائد الناس ومن دخل في جماعتنا صار معنا فهو أخونا وله عقيدته أو عقيدته له فهذه ليست دعوة إلى الله وإنما هي دعوة إلى الحزبية والعصبية. Donc ce passage là, dans ce passage là le cheikh il explique que la fin de ce verset c'est wa ma ana min al mushrikin, c'est-à-dire je ne suis pas parmi les mushrikin, c'est-à-dire ceux qui font le shirk et qui associent avec Allah subhanahu wa ta'ala d'autres choses dans l'adoration. Donc le cheikh il dit que ça c'est un désaveu du prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport aux mushrikin, ceux qui associent avec Allah subhanahu wa ta'ala, et comme le prophète Ibrahim qui est Khalilullah, l'ami d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme lui-même aussi s'est désavoué des mushrikin. Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset 120 dans sourate An-Nahl que Ibrahim était un exemple d'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il était hanif, c'est-à-dire que c'était une personne qui s'était écartée de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah et qui s'est dirigée uniquement vers Allah subhanahu wa ta'ala et qui ne faisait pas partie des mushrikin, des gens qui est associé avec Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un autre verset, le verset 123 dans sourate An-Nahl, puis ensuite on t'a révélé, c'est-à-dire on a révélé à toi au messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on a révélé à toi de suivre la voie ou la religion d'Abraham, hanifan, la religion d'Abraham qui est al-hanifiyya, c'est-à-dire que tu dois uniquement adorer Allah et t'écarter des idoles et de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, et il ne faisait pas partie des mushrikin. Et donc dans ça il y a donc le désaveu et le désavouement, on se désavoue de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala et des gens qui adorent autre que Allah. Donc on coupe, c'est pour couper le lien d'amour et d'amitié et de support qu'il peut y avoir entre nous et les mushrikin, parce que ce sont les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala et les ennemis du messager. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit wa kana al kafiru ala rabbihi zahira, le kafir il est toujours en train de supporter le shaytan, il est toujours en train d'aider et de travailler contre Allah subhanahu wa ta'ala, d'accord, et il aide ceux qui sont contre la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce sont les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala, et donc il n'est pas permis pour quelqu'un qui est mu'min d'aimer ces gens-là avec son cœur et de souhaiter leur victoire et de les défendre. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans sourate Al-Mumtahana le verset 4, il y a certes une bonne exemple à suivre pour vous dans Ibrahim et ceux qui étaient avec lui lorsqu'ils ont dit à leur peuple, nous désavouons de vous et de ce que vous adorez en dehors d'Allah et nous vous rejetons, et ce qu'il y a entre nous et vous a débuté une animosité et une haine qui ne cessera tant que vous refusiez de croire en Allah seul. Et tant que vous refusez de croire en Allah seul, il y aura toujours cette adawa et cette barba, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset-là. Donc ça c'est l'attitude du muwahhid, du mu'min, vis-à-vis des mushrikin et des kuffars. Et après il dit, un autre verset, là tajidu qawman yu'minuna billah, tu ne trouveras pas un peuple qui croit à Allah et au jour dernier prendre pour amis ou aimer les gens qui s'opposent à Allah et à son messager, même si c'était leur père ou leur fils ou leur frère ou leur tribu ou les gens de leur famille. Donc ça veut dire que y a pas, et c'est pas les liens de famille ou les liens de parenté ou les liens de national ou les liens de la patrie ou de la tribu ou autre qui ont précédence, c'est les liens de la foi qui ont précédence. Et il mentionne un verset qui dit, ô vous qui avez cru, ne prenez pas mon ennemi et le vôtre pour alliés en lui offrant l'amitié. Et il mentionne aussi dans un autre verset, le verset 51 dans Surat Al-Ma'ida, ô vous qui avez cru, ne prenez pas les juifs et les chrétiens pour alliés, ils sont les alliés les uns des autres, et celui d'entre vous qui les prend pour alliés, alors il est un des leurs. Et Allah ne guide pas les peuples injustes. Et ça, comme on a déjà expliqué dans d'autres cours, que de prendre les mouchriquins et les koufars, et les juifs et les chrétiens pour alliés, ça c'est quand tu les prends pour alliés dans ce qui a rapport avec leur croyance et leur religion. C'est-à-dire que tu les aimes à cause de leur kufr et à cause de leur fausse croyance. Si tu les aimes pour leur religion et pour leur fausse croyance, là, ça, ça veut dire que tu es comme eux, tu es un kafir avec eux. Mais si tu, par exemple, as des affaires avec eux de commerce ou des intérêts dans les choses de la dunya, mais que tu ne les aimes pas pour la, pour leur religion, dans ce cas-là, ça, c'est pas considéré comme quelque chose qui te fait sortir de la foi. D'accord? Parce que, par exemple, si tu as une femme chrétienne et que tu l'aimes, mais tu détestes sa fausse croyance, dans ce cas-là, tu n'es pas un kafir. Tu n'es pas un, tu n'as pas pris cette femme comme une alliée. D'accord? Parce que, de prendre pour alliés, qu'est-ce qui est interdit là-dedans, dans ce que Allah nous a interdit, c'est de les prendre pour alliés à cause de leur kufr, à cause de leur shirk, à cause de leur fausse religion. Si tu fais ça à cause de leur religion, là, c'est, tu sors de la religion, comme Allah a dit, وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُمْ مِنْهُمْ. C'est-à-dire, tu les prends pour alliés à cause de leur croyance, et à cause de leur religion qui est fausse, mais toi tu les supportes dans cette croyance et dans cette aqidah, donc dans ce cas-là tu es comme eux. Mais si c'est juste dans les affaires de la dunya, là, des fois ça peut être haram, si tu les suis dans le haram, c'est haram. Si tu les suis dans quelque chose de mubah, alors c'est mubah. Si c'est permis de le faire, tu as le droit, comme si tu fais du commerce avec des koufars ou des choses de ce genre, ça, il n'y a pas de problème, ou que tu agis avec eux comme il faut et que tu les traites comme avec gentillesse et tout ça, ça, il n'y a rien qui interdit ça dans l'islam. Au contraire, même, on est encouragé de faire ça. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, là, إن الله ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Donc Allah ne vous interdit pas d'être bon et d'être juste envers ceux qui ne vous ont pas combattu dans la religion et qui ne vous ont pas expulsé de vos demeures. Donc ça, Allah, il aime les justes, d'accord. Donc dans ces questions-là, ça c'est clair. Mais en ce qui concerne les questions du cœur et de l'amour, et en ce qui a rapport avec la croyance et l'aqida et la religion, il n'y a pas d'amitié, il n'y a pas d'amour avec les mouchriquins. Mais dans les interactions et dans le comportement, il faut être bon et juste avec eux. D'accord? Donc le cheikh il dit, il y a donc la preuve dans ça, qu'on doit se désavouer des mouchriquins, et que ça, ça fait partie des fondements de la da'wah à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on doit se désavouer des mouchriquins. Donc la personne qui prétend faire le da'wah mais qui ne se désavoue pas des mouchriquins, il n'est pas un da'ya, c'est pas quelqu'un qui appelle les gens à Allah. Et en ce domaine-là, on voit l'erreur de certaines personnes qui veulent soi-disant faire un dialogue avec les koufars et parfois ils dépassent même les limites de l'islam dans ces soi-disant dialogues, parce qu'ils font pas le dialogue pour inviter les koufars et les mouchriquins à laisser tomber leur aqidah qui est contraire au tawhid et à l'islam, mais au contraire c'est juste pour, disons, dire on va discuter entre nous pour savoir qu'est-ce qui est correct, qu'est-ce qu'on est d'accord, et essayer de faire des compromis sur des aspects de notre religion, et on va peut-être abandonner certaines choses de l'islam si ça vous fait pas plaisir, et vous, vous allez accepter certaines choses, et donc on va faire comme une sorte d'échange comme ça, de compromis. Comme Allah dit dans le Coran, وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ. Ils espèrent que tu transiges avec eux pour, hein, pour qu'eux transigent avec toi. C'est comme les mouchriquins au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ont dit, une année tu vas adorer nos idoles, et l'autre année on va adorer Allah avec toi. Et Allah a fait descendre le verset, قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ. Hein. Donc ça c'est à propos de ces cette choubha. Et donc il y en a qui organisent des colloques ou des conférences, ils invitent des personnes pour parler, un musulman, un juif, un chrétien, un laïc, un athée et tout, puis là ils sont en train de débattre entre eux ou de discuter entre eux comme ça, et parfois même ils invitent des non-musulmans pour expliquer l'islam aux musulmans, donc, par exemple des islamologues et des soi-disant spécialistes en islam, des non-musulmans, pour expliquer aux musulmans l'islam. Yani. Et ça, il n'y a pas de doute que c'est, yani, pas quelque chose qui fait partie de da'wah, et ça n'a rien à voir avec l'islam de faire des choses pareilles. D'accord? Donc ça, c'est soi-disant des façons d'être ouvert ou de dialoguer avec les mouchriquins et les koufars, mais ça, ça n'a rien à voir avec l'islam. Ça, c'est qu'est-ce qu'ils appellent tawhid al-adiyan, hein, de faire, d'unifier les croyances et les religions, et d'éliminer les distinctions et les différences entre les religions. Et ça, ça fait pas partie de la religion de l'islam et la religion d'Ibrahim et la religion des prophètes. Donc le cheikh il dit que la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de rejeter le tarout en premier. Avant même d'avoir la foi, tu dois rejeter ce qui est adoré en dehors d'Allah. La preuve de ça, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ. C'est-à-dire, si tu n'as pas rejeté ce qui est adoré en dehors d'Allah, tu ne peux pas prétendre avoir la foi. Tu n'as pas encore la foi, tant que tu n'as pas rejeté tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, comme étant un tarout. Hein? Alors, si tu as rejeté ce qui est adoré en dehors d'Allah et que tu as adoré et tu as cru uniquement à Allah, là, tu as tenu l'anse la plus solide. Et le cheikh dit donc, il faut absolument se désavouer des mouchriquines et, donc le cheikh dit, il y en a certains qui disent, nous on n'a rien à voir avec la croyance des gens, c'est-à-dire on laisse les gens et leurs croyances, ils croient en ce qu'ils veulent, hein, celui qui rentre dans notre groupe, il est avec nous, il est notre frère, et il garde sa croyance, il a la croyance qu'il veut, ça c'est pas notre problème, c'est-à-dire tu crois en qu'est-ce que tu veux, mais une fois que tu rentres dans notre groupe, t'es notre frère, ça, le cheikh il dit ça, celui qui pense comme ça, il n'appelle pas à Allah, il n'a pas appelé à l'islam, et en réalité, qu'est-ce qu'il appelle? Il appelle à suivre un groupe ou à suivre une organisation, mais pas à suivre la religion de l'islam. Parce que si tu veux être parmi dans l'islam, tu veux faire partie des musulmans, tu veux appeler à Allah, eh bien, tu dois en premier corriger ta aqidah pour qu'elle soit en accord avec les principes et les croyances de l'islam, selon le Coran et la Sunna et la voie des salaf salih, sinon, même si tu prétends par exemple que tu appelles à l'islam, tu n'as rien à voir avec l'islam. Tu dis, ah, lui il peut être soufi, lui il peut être ash'ari, lui il peut être mu'tazili, lui il peut être khariji, lui il peut être naqshbandi ou tijani ou peu importe, et puis nous on est tous ensemble, c'est ça qui est important. On est dans notre jama'a et on est tous un seul groupe, et on est des frères. Non, ça c'est pas l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a appelé les gens à rester sur une seule aqida. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Accrochez-vous tous à le câble d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous tous, et ne vous divisez pas, hein. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ اخْتَلَفُوا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ. Donc ça veut dire, ne soyez pas comme ceux qui sont divisés et qui ont divergé entre eux après que la vérité leur soit et les preuves claires leur soient parvenues. Donc ça c'est des points qui sont importants à comprendre, et donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Donc on va s'arrêter ici, hein, Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayhi.